De Marguerite Audoux, Marie-Claire. Prix Femina 1910. Lu par Sabine pour audiocité.net. Sous la licence Art Libre. Première partie. Un jour, il vint beaucoup de monde chez nous. Les hommes entraient comme dans une église et les femmes faisaient le signe de croix en sortant. Je me glissai dans la chambre de mes parents et je fus bien étonné de voir que ma mère avait une grande bougie allumée près de son lit. Mon père se penchait sur le pied du lit pour regarder ma mère, qui dormait les mains croisées sur sa poitrine. Notre voisine, la mère Cola, nous garda tout le jour chez elle. À toutes les femmes qui sortaient de chez elle, elle disait « Vous savez, elle n'a pas voulu embrasser ses enfants. » Les femmes se mouchaient en nous regardant, et la mère Cola ajoutait « Ces maladies-là, ça rend méchant. » Les jours qui suivirent, nous avions des robes à larges carreaux blancs et noirs. La mère Cola nous donnait à manger et nous envoyait jouer dans les champs. Ma sœur, qui était déjà grande, s'enfonçait dans les haies, grimpait aux arbres, fouillait dans les mares, et revenait le soir, les poches pleines de bêtes de toutes sortes, qui me faisaient peur et mettaient la mère Cola bien en colère. J'avais surtout une grande répugnance pour les vers de terre. Cette chose rouge et élastique me causait une horreur sans nom, et s'il m'arrivait d'en écraser un par mégarde, j'en ressentais de longs frissons de dégoût. Les jours où je souffrais de points de côté, la mère Cola défendait ma sœur de s'éloigner. Mais ma sœur s'ennuyait et voulait quand même m'emmener. Alors elle ramassait des vers, qu'elle laissait grouiller dans ses mains en les approchant de ma figure. Aussitôt je disais que je n'avais plus mal, et je me laissais traîner dans les champs. Une fois elle m'en jetait une grosse poignée sur la robe. Je reculais si précipitamment que je tombais dans un chaudron d'eau chaude. La mère Cola se lamentait en me déshabillant. Je n'avais pas grand mal. Elle promit une bonne fessée à ma sœur, et comme les ramoneurs passaient devant chez nous, elle les appela pour l'emmener. Ils entrèrent tous les trois avec leurs sacs et leurs cordes. Ma sœur criait et demandait pardon, et moi, j'avais bien honte d'être toute nue. Mon père nous emmenait souvent dans un endroit où il y avait des hommes qui buvaient du vin. Il me mettait debout entre les verres pour me faire chanter la complainte de Geneviève de Brabant. Tous ces hommes riaient, m'embrassaient et voulaient me faire boire du vin. Il faisait toujours nuit quand nous revenions chez nous. Mon père faisait de grands pas en se balançant. Il manquait souvent de tomber. Parfois, il se mettait à pleurer tout haut en disant qu'on avait changé sa maison. Alors ma sœur poussait des cris et malgré la nuit, c'était toujours elle qui finissait par retrouver notre maison. Il arriva un matin que la mère Cola nous accabla de reproches, disant que nous étions des enfants de malheur, qu'elle ne nous donnerait plus à manger et que nous pouvions bien aller retrouver notre père, qui était parti on ne savait où. Quand sa colère fut passée, elle nous donna à manger comme d'habitude. Mais quelques instants après, elle nous fit monter dans la carriole du père Chicon. La carriole était pleine de paille et de sacs de grains. J'étais placé derrière, dans une sorte de niche entre les sacs. La voiture penchait en arrière, et chaque secousse me faisait glisser sur la paille. J'eus une très grande peur tout le long de la route. À chaque glissade, je croyais que la carriole allait me perdre, ou bien que les sacs allaient s'écrouler sur moi. On s'arrêta devant une auberge. Une femme nous fit descendre, secoua la paille de nos robes et nous fit boire du lait. Tout en nous caressant, elle disait au père Chicon « Alors, vous pensez que leur père les voudra ?» Le père Chicon branla la tête en cognant sa pipe contre la table. Il fit une grimace avec sa grosse lèvre et il répondit « Il est peut-être parti encore plus loin. Le fils à Girard m'a dit qu'il l'avait rencontré sur la route de Paris. » Le père Chicon nous mena ensuite dans une belle maison où il y avait un perron avec beaucoup de marches. Il causa longtemps avec un monsieur qui faisait de grands gestes et qui parlait de Tour de France. Le monsieur mit sa main sur ma tête et il répéta plusieurs fois. Il ne m'avait pas dit qu'il avait des enfants. Je compris qu'il parlait de mon père, et je demandai à le voir. Le monsieur me regarda sans répondre, puis il demanda au père Chicon. « Quel âge a donc celle-ci ? » « Dans les 5 ans, dit le vieux. Pendant ce temps, ma sœur jouait sur les marches avec un petit chat. La carriole nous ramena chez la mère Cola, qui nous reçut en bougonnant et en nous bousculant. Quelques jours après, elle nous fit monter en chemin de fer. Et le soir même, nous étions dans une grande maison où il y avait beaucoup de petites filles. Sœur Gabrielle nous sépara tout de suite. Elle dit que ma sœur était assez grande pour aller aux moyennes, tandis que moi je resterais aux petites. Sœur Gabrielle était toute petite, vieille, maigre et courbée. Elle dirigeait le dortoir et le réfectoire. Au dortoir, elle passait un bras sec et dur entre notre chemise et le drap pour s'assurer de notre propreté, et elle fouettait, à heure fixe et avec des verges, celles dont les draps étaient humides. Au réfectoire, elle faisait la salade avec une immense terrine jaune. Les manches retroussées jusqu'aux épaules, elle plongeait et replongeait dans la salade ses deux bras noirs et noueux qui sortaient de là tout luisants et gouttelants et qui me faisaient penser à des branches mortes les jours de pluie. J'eus tout de suite une amie. Je la vis venir vers moi en se dandinant, l'air effronté. Elle n'était guère plus haute que le banc sur lequel j'étais assise. Elle appuya ses coudes sans façon sur moi et elle me dit « Pourquoi tu ne joues pas ?» Je répondis que j'avais mal au côté. « Ah oui, reprit-elle, ta maman était poitrinaire et sœur Gabrielle a dit que tu mourras bientôt. » Elle grimpa sur le banc, s'assit en faisant disparaître sous elle ses petites jambes. Puis elle me demanda mon nom, mon âge, m'apprit qu'elle s'appelait Ismérie, qu'elle était plus vieille que moi, et que le médecin disait qu'elle ne grandirait jamais. Elle m'apprit aussi que la maîtresse de classe s'appelait sœur Marie-Aimée, qu'elle était très méchante et punissait sévèrement les bavardes. Elle sauta tout d'un coup sur ses pieds en criant « Augustine !» Sa voix était comme celle d'un garçon, et ses jambes étaient un peu tordues. À la fin de la récréation, je l'aperçus sur le dos d'Augustine, qui la balançait d'une épaule sur l'autre, comme pour la jeter à terre. En passant devant moi, elle me cria de sa grosse voix. « Tu me porteras aussi, dis !» Je fis bientôt la connaissance d'Augustine. Un mal Dieu que j'avais s'aggrava. La nuit, mes paupières se collaient l'une contre l'autre, de sorte que j'étais complètement aveugle, jusqu'à ce qu'on me les eût baignées. Ce fut elle qui fut chargée de me conduire à l'infirmerie. Tous les matins, elle venait me prendre au petit dortoir. Je l'entendais venir depuis la porte. Ce n'était pas long. Elle me saisissait la main et m'entraînait du même pas qu'elle était venue, sans s'occuper si je me cognais au lit. Nous traversions les couloirs comme le vent et descendions les 2 étages comme une avalanche. Mes pieds rencontraient une marche de temps en temps. Je descendais comme on tombe dans le vide. Augustine avait une main ferme qui me tenait solidement. Pour aller à l'infirmerie, il fallait passer par derrière la chapelle, puis devant une petite maison toute blanche. Là, on redoublait de vitesse. Un jour que, n'en pouvant plus, j'étais tombé sur les genoux, elle me releva avec une tape sur la tête en disant « Dépêche-toi donc, on est devant la maison des morts !» Tous les jours, ensuite, dans la crainte que je tombe, elle m'avertissait quand nous étions devant la maison des morts. J'avais surtout peur de la peur d'Augustine. Puisqu'elle courait si fort, c'est qu'il y avait du danger. J'arrivais à l'infirmerie en nage et sans souffle. Quelqu'un me poussait sur une petite chaise et mon point de côté était passé depuis longtemps quand on venait me laver les yeux. Ce fut encore Augustine qui me conduisit dans la classe de sœur Marie-Aimée. Elle prit une voix timide pour dire « Ma sœur, voilà la nouvelle !» Je m'attendais à une rebuffade. Mais sœur Marie-Aimée me sourit, m'embrassa plusieurs fois et dit « Tu es trop petite pour être sur un banc. Je vais te mettre ici. » Et elle me fit asseoir sur un petit banc dans le creux de son pupitre. Comme il y faisait bon dans ce creux de pupitre, comme la chaleur des jupes de laine caressait mon corps tout meurtri par les escaliers de bois et de pierre. Souvent, deux pieds se posaient de chaque côté de mon petit banc, et je me trouvais étroitement enclavé entre deux jambes nerveuses et chaudes. Une main tâtonnante m'appuyait la tête sur les jupes entre les genoux, et sous cette main douce et sur cet oreiller chaud, je m'endormais. Quand je m'éveillais, l'oreiller se transformait en table. La même main y déposait des débris de gâteaux, de menus morceaux de sucre et quelques bonbons. Autour de moi, j'entendais vivre le monde. Une voix pleurait. « Non, ma sœur, ce n'est pas moi !» Des voix criardes disaient « Si, ma sœur, c'est elle !» Au-dessus de ma tête, une voix pleine et chaude imposait silence, en s'accompagnant de coups de règle sur le pupitre, qui résonnait et faisait dans mon creux un bruit énorme. Parfois, il se faisait un grand mouvement. Les pieds se retiraient de mon petit banc, les genoux se rapprochaient, la chaise remuait, et je voyais se pencher vers mon nid une guimpe blanche, un menton mince, des dents fines et pointues, et enfin deux yeux caressants qui m'apportaient la confiance. Aussitôt que mon mal-dieu fut guéri, un alphabet s'ajouta aux friandises. C'était un petit livre où il y avait des images à côté des mots. Je regardais souvent une grosse fraise que j'imaginais au moins aussi grosse qu'une brioche. Quand il ne fit plus froid dans la classe, sœur Marie-Aimée me plaça sur un banc entre Ismérie et Marie-Renaud, qui étaient mes voisines de lit. De temps en temps, elle me permettait de revenir à mon cher creux, où je trouvais des livres avec des histoires qui me faisaient oublier l'heure. Un matin, Isménie m'entraîna en grand mystère pour m'apprendre que sœur Marie-Aimée ne ferait plus la classe parce qu'elle allait prendre la place de sœur Gabrielle dans le dortoir et le réfectoire. Elle ne me dit pas où elle avait appris cela, mais elle en était tout au chagrinée. Elle aimait beaucoup sœur Gabrielle, qui la traitait toujours comme un petit enfant. Mais elle n'aimait pas sœur Aimée, ainsi qu'elle l'appelait avec un air de mépris, quand elle savait n'être entendue que de nous. Elle disait aussi que sœur Marie-Aimée ne lui permettait pas de nous grimper sur le dos et qu'on ne pouvait pas se moquer d'elle comme de sœur Gabrielle qui montait les marches tout de travers. Le soir, après la prière, sœur Gabrielle nous annonça son départ. Elle nous embrassa toutes, en commençant par les plus petites. La montée du dortoir se fit en grand désordre. Les grandes chuchotaient et se révoltaient à l'avance contre cette sœur Marie-Aimée. Les petites pleurnichaient comme à l'approche d'un danger. Ismérie, que je portais sur mon dos, pleurait bruyamment. Ses petits doigts m'étranglaient un peu et ses larmes me tombaient dans le cou. Personne ne pensait à rire de sœur Gabrielle, qui montait péniblement en disant « Chut, chut !» sans se lasser et sans que le bruit diminuât. La bonne du petit dortoir pleurait aussi. Elle me secoua un peu en me déshabillant. Elle disait « Je suis sûre que tu es contente, toi, d'avoir ta sœur Marie-Aimée. » Nous l'appelions Bonne Esther. Des trois bonnes que nous avions, c'était elle que je préférais. Elle était un peu bourrue, mais elle nous aimait bien. La nuit, elle réveillait celles qui avaient de mauvaises habitudes, afin de leur épargner les verges du lendemain. Quand je toussais, elle se levait et à tâtons me fourrait dans la bouche un morceau de sucre mouillé. Bien des fois aussi, elle m'avait emporté de mon lit où j'étais glacée pour me réchauffer dans le sien.